Le comité préparatoire international du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017 a publié le 6 octobre un appel adressé au peuple progressiste du monde. L'appel indique notamment « 2017 marque le 105e anniversaire de la naissance de Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de la naissance de Son Excellence Monsieur Kim Jong-il qui ont fait une contribution immortelle à la liberté, à l'indépendance et à la prospérité de la Corée et à l'émancipation de l'humanité. » Et le 5e anniversaire de la promotion au poste suprême du parti et de l'État coréen de Son Excellence Monsieur Kim Jong-un, qui continue l'œuvre de Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung et de Son Excellence Monsieur Kim Jong-il. Le peuple coréen et les peuples progressistes du monde considèrent le Mont Paektu comme le symbole et l'esprit de la Corée et honorent Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung, Son Excellence Monsieur Kim Jong-il et Son Excellence Monsieur Kim Jong-un comme grands hommes Pectusan et soleil de l'humanité, et leur nom auguste et leur exploit brillent davantage au fil des jours. On a décidé de tenir le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017, réunion internationale des peuples progressistes du monde, au Mont Paektu et à Pyongyang de la Corée, en août de l'année prochaine, marqué de l'exploit de Son Excellence Monsieur le Président Kim Il-sung pour la libération de la patrie et de l'exploit de Son Excellence Monsieur Kim Jong-il pour la direction de Songun. Les festivités internationales seront organisées pour exalter les espoirs des grands hommes Pectusan et témoigner de la vénération plus ardente envers les grands hommes à l'occasion des fêtes significatives de 2017. Il faut organiser des activités politiques et culturelles pour célébrer solennellement l'année prochaine l'anniversaire de Son Excellence Monsieur Kim Jong-un en janvier, la journée de la brillante étoile, la journée du soleil et l'anniversaire de Madame Kim Jong-soo en décembre pour animer l'an 2017 des célébrations. Nous appelons à transmettre et faire briller de siècle en siècle les espoirs des grands hommes Pectusan et à organiser à l'échelle mondiale les activités de solidarité internationale pour soutenir la cause juste du peuple coréen.